Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four. Aujourd'hui, tout est mal parti, j'ai débauché très très tard, j'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon téléphone au boulot, donc j'ai pas le téléphone, et je pars comme un V1 pour arriver ici, pour pouvoir faire la saga des Fab Four, et je m'aperçois que j'ai oublié la playlist, donc... Tout va mal, mais qu'est-ce que vous voulez, ça arrive quelquefois, hein. On va essayer de s'en sortir d'abord parce que j'ai des moyens quand même, j'ai des moyens techniques de vous donner au moins les premiers titres parce que c'est comme ça, je suis équipé on va dire. Donc le temps que ça s'affiche sur mon ordinateur, parce que évidemment aussi je suis arrivé à la dernière limite, à la radio, donc le temps que je parle, eh bien tout s'est affiché, ça y est. L'album de la semaine, ça vous le saviez puisque c'était affiché dans le groupe Facebook La Saga des Fab Four, c'est Help, sorti en 1965, une année somme toute fort sympathique, qui a succédé à la fantastique année 1964. On écoutera Help, The Night Before, You've Got to Hide Your Love Away, You're Gonna Lose That Girl, Another Girl et Ticket to Ride. Mais il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison, du Starr et d'autres Beatles. Pour McCartney, ce sera Another Day, le single, en 1971. Pour John Lennon, eh bien, l'album va sortir et nous nous sommes déjà procuré la démo de Imagine qu'on écoutera en exclusivité sur RIG. Puis pour Harrison, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu et j'avais envie de vous le proposer. Ce sera Wawa, avec un clin d'œil à notre ami JP qui va s'absenter pour aller en clinique faire un truc qui ne regarde que lui. Mais justement, on pense à lui. Et s'il écoute ce podcast, il saura que Wawa a été programmé exprès pour lui. Voilà, c'est un pote. C'est un pote, qu'est-ce que vous voulez ? Je sais favoriser les potes et les potines aussi. Ringo Starr, Love is a Many Splendid Thing sur l'album Sentimental Journey en 1970. Et puis bien d'autres, vous allez voir. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. La saga des Fab Four, ça commence maintenant avec ce titre qui était plus lent au début. Et c'est George Martin qui a proposé de l'accélérer. Help sur RIG. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was young, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in so many ways. To vanish in the haze, but every now and then I feel so insecure. I know that I just need your light. I've never done before. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate.

il en a encore, ça n'est pas d'aujourd'hui qu'il double sa propre voix. Dans cette chanson Another Day, vous entendez Paul McCartney chanter avec une voix, on va dire, normale, et se redoubler avec une voix plus basse en disant « Every day she takes a morning bath, she wets her hair », etc. Et c'est très bien, ça donne un effet sonore plus enveloppant sur la voix, et c'est très très agréable. Et ce que j'aime dans la saga des Fab Four que j'anime depuis bientôt 35 ans, c'est que il y a encore des nouveautés, il y a encore des choses à découvrir. Très bientôt va sortir l'album Imagine, à nouveau remasterisé avec des choses en plus, et ça va être drôlement intéressant. Le 9 novembre va sortir l'album blanc, les 50 ans de l'album blanc, et ça va être très très bien parce qu'il y a des choses en plus. Alors il y a des choses que j'ai déjà, parce que certains d'entre nous, on a acheté au fur et à mesure des années des albums qu'on appelle un petit peu pirates. Ben, ça ne sera plus pirate, et c'est tant mieux, moi j'aime ça, et je vous convie à acheter cet album blanc qui va être drôlement bien avec un super son, même si ça a été enregistré il y a 50 ans et que les moyens techniques, on peut épurer ça et vous donner l'impression que le disque a été fait là, aujourd'hui. Et donc ça, voilà, il y a l'album de McCartney, il y a l'album de Lennon, comme s'ils étaient encore en concurrence, c'est assez fou, et les Beatles qui vont ressortir dès novembre, ça va être bien. Donc, je vous ai promis, on écoute Imagine, la version démo qui va sortir sur l'album Imagine version Deluxe. Okay. Shall I go? Comme le dit Bernard sur Facebook, le mur de son de Spector. Bah oui, on peut reprocher ce qu'on veut au mur de son de Spector. Là, c'est absolument phénoménal. Ça fait un son d'enfer. Et ce que j'ai adoré, c'est lors de... Ça me donne des frissons d'y repenser. Lors du concert pour George, lorsque tous ces musiciens copains de George Harrison ont recréé le mur de son de Spector, mais sur scène. Et là, je vous assure qu'il fallait des batteries, il fallait des guitaristes, il fallait des chœurs, des choristes, pour arriver à faire un son, j'allais dire un son bordélique. Non, parce que bordélique, ça voudrait dire que c'est un peu n'importe comment. Non, un mur de son. Là, c'est juste et c'est drôlement bien. J'adore cette chanson. Ça me met, je chante. De toute façon, je fais waouh, évidemment, pendant toute la chanson. Et c'est drôlement bien. Vous êtes peut-être en train de manger une crêpe, peut-être, je ne sais pas. Si vous avez cette chance-là, eh bien, bon appétit. Vous êtes avec Thierry Gallet dans la saga des Fab Four jusqu'à 22h. C'est un spécial Beatles, comme d'habitude, avec cette semaine l'album Help qui est mis en vous voyez quoi ? En faveur, en... qui est pointé, qui est mis en avant. Ah, je vais y arriver. Love is a many splendid things. Nous sommes au début des années 70, les Beatles se sont séparés et Ringo Starr sort cet album surprenant puisque les rockers sont devenus, enfin, et ce rocker-là est devenu quelqu'un de très crooner, mais ça lui va tellement bien. Entre la country et ce genre de musique, c'est vraiment ce qui va au mieux à la voix de Ringo Starr et que le rock aussi, il sait bien se débrouiller. Mais là, voilà, cet album a très très bien vieilli, je trouve. Et Love is a Many Splendid Thing, moi je trouve ça vrai et je trouve ça drôlement bien. Nous avons parlé de Paul McCartney, de John Lennon, de George Harrison et de Ringo Starr. Il va donc falloir parler des Beatles. On a parlé des Beatles dès le début, puisque l'album de la semaine c'est Help. Mais puisqu'on parle des Beatles, il faut parler de Lovely Rita.

Paul McCartney part deux fois, d'abord avec les Beatles et puis à l'instant, en 1973 sur le fantastique album Ben on the Run et ce titre Mamounia. J'adore cet album, j'adore ce titre et c'est pas toujours évident d'arriver à vous donner tout ce que j'ai envie de vous offrir parce qu'il faudrait, une journée. Et encore, même au bout d'une journée, je serais pas satisfait, il en manquerait certainement. Bref, voici un autre titre que je ne programme pas souvent et que j'ai eu envie de vous faire réentendre cette fois-ci. C'est en 1973 encore sur l'album Living in a Material World de George Harrison et c'est Try Some, Buy Some sur RIG. Way back in time, someone said try some. Chanson chantée par George Harrison. Ce qui est très amusant, c'est que Rook sur Facebook marque Ronnie Spector l'a chanté en premier en 1971. Je sais que la chanson datait de 1971, mais je ne connaissais pas la version de Ronnie Spector. Je peux pas l'écouter là, sinon ça passe à l'antenne, donc c'est pas possible. Mais je sais aussi, par contre, je peux vous dire que David Bowie a repris cette chanson, Try Some by Some, dans une version très Bowie, mais c'est plutôt très sympa également. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Help, sorti en 1965, et nous allons parler de You've Got to Hide Your Love Away. La musique de Dylan, dont l'album acoustique Another Side of Bob Dylan venait de sortir, poussait John à écrire d'une façon plus intense et plus personnelle. Il se mit à composer des chansons répondant fidèlement à l'état d'esprit dans lequel il se trouvait au moment où il écrivait. Les premiers vers de You've Got to Hide Your Love Away décrivent un John face à un mur, la tête dans les mains, ce qui est certainement tout à fait représentatif de ses sentiments du moment. La chanson parle d'une liaison qui a mal tourné et des sentiments cachés que John éprouve pour celle qui est partie. Tony Bramwell suggère qu'elle fut composée comme un conseil donné à Brian Epstein de garder ses relations homosexuelles secrètes. Il faut dire que les rapports homosexuels étaient à l'époque illégaux en Angleterre. On a également dit que You've Got to Hide Your Love Away était une allusion à une relation extra-conjugale secrète qu'avait John à l'époque. On peut supposer qu'il a dû en avoir plus d'une. John la composa à Kenwood et elle fut utilisée dans le film lors de la séquence durant laquelle Eleanor Brown rend visite au groupe dans leur maison commune pour tenter de récupérer la bague sacrée. Peter Shotton, un ami d'enfance de John, était avec lui à Kenwood et se souvient que dans le texte original, John se sentait « 2 feet tall », haut de 2 pieds. Mais il se trompa en chantant en disant « 2 feet small », bas de 2 pieds. Paul trouva que cela sonnait mieux et ses paroles furent conservées. Shotton assista également à l'enregistrement qui eut lieu le 18 février 65 et participa au « Hey hey » du cœur. Voilà, je dis « Hey hey » parce que ça n'a aucun rapport et ça ne doit pas être comme ça dans la réalité. Voici la chanson « You've Got to Hide Your Love Away » sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 feet small. Everywhere people stare, each and every day. See them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, Je vous propose de rester du côté du romantisme avec George Harrison en 1976 et Learning How to Love You. J'adore cette chanson. Me faire peur, rester seul avec mon cœur, j'apprends à t'aimer. C'est beau, c'est du George Harrison dans le texte et c'était en 1976 sur ce très bon album 33 and one third. Pas facile à dire quand on est français. 33 et un tiers pour si on veut le dire en français, qui correspondait à peu près à l'âge de George Harrison au moment où est sorti le disque et également pour ceux qui sont un peu plus âgés à la vitesse de révolution du 33 tours sur la platine tourne-disque. Oui, 33 tours et un tiers, c'était la vitesse de révolution par minute. C'était bien. Bien. Revenons en arrière, en 1965 aussi, sur l'album Rubber Soul, avec cette chanson,

ou quelqu'un de connu, ou un parfait inconnu, peut-être vous, pourquoi pas. Mais cette chanson doit être une reprise de John, Paul, Ringo, George en tant que Beatles, ou en tant que eux-mêmes en carrière solo, même si eux-mêmes faisaient une reprise à l'époque. Du moment que eux l'ont chantée, si vous, vous la chantez, ou si un artiste l'a chantée, c'est une reprise. Eh bien, c'est la cover plutôt de l'émission. Là, je ne suis pas allé chercher loin. L'artiste, il est connu, il est brillant, il ressemble énormément à son père, y compris au niveau de la voix. Voici Danny Harrison et sa reprise de For You Blue en 2013 sur RG. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Thank you. 1962, Incognito, John et Paul avaient pris quelques vacances et étaient allés à Paris. Et cette chanson, chantée en 1978 sur l'album London Town, relate un petit peu ce qui s'est passé. J'adore cette chanson plus particulièrement parce que lors de mon mariage, j'ai chanté cette chanson sur scène devant une bonne cinquantaine de personnes. Il m'avait fallu les paroles parce que j'étais très intimidé, mais ça s'est passé plutôt pas mal. Et bon, voilà, je m'en souviens, j'aime bien la chanter. Et voilà, ça n'était pas facile pour moi. Quelle très bonne transition, puisque je vous propose en 1974 sur l'album Goodnight Vienna, l'inverse, Easy For Me, Ringo Starr, belle chanson avec la voix traînante de Monsieur Ringo Starr. Nobody loved her, it was easy to see. That made it easy for me. The boys never fought over her company. That made it easy for me. Hiding in the Milky Way, without a star to shine the way. Sandcastles fell from the tears. Makes it easy for me. Référence tout à l'heure avec la chanson « Amandly Sleeping », voici « Watching the Wheels », la petite sœur de la chanson précédente. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. Shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the I just had to let it go.

1992 avec un petit peu d'aide de Jeff Lynne. On sent la patte de Jeff Lynne dans la production, c'est très très bien. L'album s'appelle Time Takes Time en 1992. Retour en arrière, nous revenons en 1967 et ce très beau titre, Je répare un trou. Oui, sur l'album Sergent Poivre et Les Cœurs Solitaires. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. Let's go back. 1969 sur RIG 90.7. I want you, she's so heavy. Thank you. Dégoûté, c'est chaque mercredi pareil. Je sais que j'ai 2 heures d'émission et c'est trop court, 2 heures d'émission, parce que là, c'est le dernier extrait de l'album de la semaine, Ticket to Ride. J'aurais eu des trucs à vous dire. Seulement, si je vous parle de Ticket to Ride, on va déborder. Et Eric rêverait que je ne déborde pas trop tout le temps. Il veut bien que je déborde, mais voilà, son rêve, c'est oh, si un jour je commence à 22 heures, ce sera fantastique. En tout cas, vous le retrouverez dans quelques minutes pour Johnny de A à Z. Voici Paul McCartney avec l'album Electric Argument 2008 et Two Magpies sur RG, forcément. I saw two magpies, a girl and a boy, one for sorrow, two for joy. Salutes, I move away and long to face, face, face, face down fear. Ooh, I saw two magpies. There was a girl and a boy, one for sorrow, two for joy, content to cry, no more to lie. Truth. rock'n'roll comme je l'aime, John Lennon en 1971, c'est l'année de naissance de mon Eric, voilà, d'Eric, dans quelques secondes, quelques minutes. Non, je sais pas pourquoi, c'est sorti 71, c'est comme ça. Alors que je voulais dire 1975, la fatigue peut-être. Tiens, et lui, il ne se fatigue pas. Il sera le 28 novembre sur scène en France. Je n'y serai pas, malheureusement. Je parle de dans la fosse avec vous, en train de regarder Paul McCartney. Mais je vous souhaite un super bon concert d'avance, les amis. Voici une de mes chansons préférées actuellement du nouvel album. C'est très très beau. Écoutez les paroles, c'est Do It Now sur RIG, extrait de l'album Egypt Station, Monsieur Paul McCartney. Got the time, the inclination, I have answered your invitation. I'll be leaving in the morning. Watch me go. Certain, that's the only thing I know. Do it now, do it now, while the vision is clear. Do it now, while the feeling is here. If you leave to London town. We didn't do much hanging around. I was with you know who. I played the drums like I always do. Einstein, est-ce qu'il avait prévu quelque chose comme ça? Est-ce que le temps peut être contracté? Est-ce que deux heures peuvent se passer en 10 minutes, un quart d'heure? Parce que c'est l'impression que j'ai lorsque je suis avec vous. Donc merci, merci à tous et à toutes, et surtout à toi. Oui, toi, tu sais que je pense à toi. Et dans quelques instants, Eric pour son émission fabuleuse Johnny de A à Z. A très bientôt, bisous filles, point de main aux garçons. C'était Thierry Gallet pour La Saga des Fab Four, numéro 385. La semaine prochaine, ce sera la 386e. Mais oui, prenez-en note. À bientôt.